L'écho par Eugène Fourier. Monsieur Nartem, fabricant de bougies, les bougies Fiat Lux, exigeait la marque et la signature, se méfiait des contrefaçons, avait amassé une fortune rondelette en répandant la lumière. Il avait cédé sa fabrique, était venu se retirer dans son pays natal, un village du département de l'Aisne, dont il était parti sans un sou 30 ans auparavant. Quand on a réussi, on est toujours heureux de revenir dans son pays et de voir des compatriotes qui vous regardaient à peine autrefois vous saluer jusqu'à terre. Il était venu avec sa femme et ses deux filles, Gertrude et Apolline, deux filles mariées qui n'étaient pas jolies, mais que les écus de leur père embellissaient considérablement aux yeux des prétendants. Le fabricant avait acheté un parc immense dans lequel il avait fait construire un château dans le style rococo avec des ponts-levis, des tourelles, des clochetons. Chacun prend son plaisir où il le trouve. Il recevait nombreuses sociétés, donnait des dîners, invitait à ses chasses. C'était un des seigneurs de l'endroit. Je dis un, car il avait pour voisin un autre châtelain, le baron de Lustre, banquier enrichi, qui était possesseur d'une grande propriété attenante à celle du fabricant. Les deux châtelains recevaient à qui mieux mieux. La nature avait doté le parc du baron de Lustros d'un écho qui faisait l'admiration du pays, un écho qui répétait trois fois les phrases qu'on voulait bien lui confier. C'était la merveille du canton. Monsieur Nartem en entendait constamment parler. Il ne donnait pas un dîner, il ne pouvait pas faire visiter son château sans que ses hôtes lui en fissent l'éloge. Avez-vous entendu l'écho du baron de Lustros? Votre parc est superbe. Quel dommage qu'il n'y ait pas un écho comme chez monsieur de Lustros. Quel malheur qu'une si belle propriété ne possède pas d'écho. Elle n'aura rien à envier à celle de monsieur de Lustros. Cela agaçait Nartem. Le baron était plus fier de son écho que de sa fortune. Il le vantait à tout le monde. Les journaux du département le citaient. L'écho de l'avenir le prônait dans ses colonnes. Les poètes le chantaient. Un rimailleur du cru avait composé une pièce de vers en son honneur. Elle se terminait ainsi. « En sortant de la chapelle, si doucement je t'appelle, gentil écho, tu réponds écho. » Rime riche, harmonie imitative, rien n'y manquait, la pièce eut du succès. Cela horripilait, monsieur Nartem. L'amour-propre s'en mêla. Le fabricant résolut de posséder un écho, quitte à dépenser n'importe quelle somme. Il fit venir un célèbre architecte de Paris et lui commanda de lui livrer un écho coûte que coûte. L'architecte visita la propriété et décida de l'installer au fond d'un petit ravin qui se trouvait à une extrémité du parc. Il traça des plans, établit des devis, fit construire une grotte, l'entoura de rochers de granit qu'il se fit envoyer à grands frais des Vosges. « Vous serez content, » dit-il au fabricant. « D'après mes calculs, il devra se produire au fond de la grotte une répercussion des ondes sonores qui y répétera les sons. » Quand tout fut terminé, on interrogea la grotte, pas le plus petit écho. L'architecte refit ses calculs, démolit tout, changea les rochers de place. Les ondes sonores restèrent sourdes à toutes les combinaisons. Sous un prétexte quelconque, l'architecte s'introduisit chez le baron de Lustros, examina les lieux où se produisait le célèbre écho. Se dissimulant, il prit des plans, photographia le terrain, et muni de tous les documents, il reproduisit exactement le site dans le parc de M. Nartem. C'était à s'y tromper, il ne manquait que l'écho. Furieux, M. Nartem renvoya l'architecte, mais il ne renonça pas à son projet. Posséder un écho devint pour lui une obsession. « J'ai trouvé !» s'écria-t-il un jour. « Il devient fou !» se dit sa femme. Le fabricant avait une idée. Il avait remarqué dans le village un jeune paysan à l'intelligence très éveillée. Il alla le chercher et le conduisit dans le parc. « Tu sais ce qu'est un écho ? » lui demanda-t-il. « Oh oui, monsieur !» dit l'enfant. « Tu en as déjà entendu ?» J'ai entendu celui de monsieur le baron de Lustros. J'en étais sûr, s'écria le fabricant. Pourrais-tu l'imiter? L'enfant se mit à rire, croyant que le châtelain plaisantait. Je parle sérieusement, reprit le fabricant. Je crois que oui, répondit l'enfant. Cela ne doit pas être difficile. Essaye. Répète la phrase que je vais prononcer. Fera-t-il beau? Je n'en sais rien, monsieur, dit l'enfant. Il ne faut pas répondre, il faut répéter la phrase. Je comprends, dit l'enfant. Fera-t-il beau? Le fabricant continua l'exercice jusqu'à ce que le paysan eût bien saisi ce qu'il attendait de lui. Il le fit venir le lendemain et les jours suivants, il le posta dans le ravin derrière un rocher et recommença la leçon, l'exerçant à répéter quatre fois les phrases qu'il prononçait en rendant exactement l'intonation de la voix et en diminuant l'intensité du son progressivement de manière que la dernière fois, la phrase n'arriva plus à l'oreille que comme un écho lointain. L'enfant se prêta de son mieux aux fantaisies du châtelain. « Quand tu imiteras bien l'écho, lui dit ce dernier, je te ferai appeler souvent et je te donnerai 100 sous par séance. Cela te va-t-il ? Monsieur, dit le paysan, pour 100 sous, je ferai tout ce que vous voudrez. » Le châtelain lui recommanda la plus grande discrétion sous peine de perdre l'emploi. Après un mois de répétition, l'enfant était arrivé à imiter très bien l'écho. Le châtelain se décida à instruire sa femme de ses expériences et à donner une répétition en sa présence. Madame Nartem trouva le procédé original, mais elle émit des craintes. « Réfléchis bien, dit-elle à son mari, si cela ne réussit pas, nous serons couverts de ridicule. » « Tu vas en juger, dit le châtelain. Mon sujet imite l'écho à s'y méprendre. » L'enfant se plaça comme d'habitude derrière un rocher. « Écho gentil, dit le châtelain. L'enfant répéta 4 fois la phrase en affaiblissant le son. « C'est merveilleux, dit Madame Nartem. Si je n'étais pas prévenu, je jurerais que c'est un écho véritable. « Tu es convaincu, exclama son mari, triomphant. « Je continue. « Je suis l'écho, cria-t-il. « Je suis l'écho, redit 4 fois l'enfant. « L'écho de M. Nartem, reprit le châtelain. « Écho de M. Nartem, répéta l'enfant. « C'est parfait, s'écria le châtelain. « Parfait, parfait, parfait, parfait, dit l'écho. « Il est étonnant. « Étonnant, étonnant, étonnant. « Cela suffit, dit le châtelain. « Tu peux quitter ta cachette. » Il recommanda de nouveau la plus grande discrétion à son acolyte. « Jeudi, lui dit-il, j'aurai du monde. « Tu viendras prendre ta place de bonne heure et tu imiteras l'écho. « J'y serai, monsieur, dit l'enfant. » Le jeudi suivant, de nombreux invités s'étaient rendus chez le châtelain. Pendant le dîner, il amena la conversation sur les échos. Aussitôt, chacun cita celui qui existait dans la propriété du baron de Lustros. « Moi, dit Nartem, j'en ai découvert un qui est supérieur. »« Pas possible, s'écrièrent les invités. » Celui de M. de Lustros ne redit les paroles que 3 fois. Le mien les répète 4 fois. « Où se trouve-t-il ? Demandèrent les autres. « Dans le parc, répondit Nartem. « Je m'en suis aperçu par le plus grand des hasards. « Vous ne le ferez entendre ? Quand vous voudrez, après le dîner. » « Monsieur de Lustros va être furieux, remarquèrent les dames, lui qui est si jaloux de son écho. « Je l'espère bien, se dit Nartem. Les invités passèrent au salon, prirent le café, on était au mois de juillet. Par les fenêtres ouvertes, on voyait onduler sous les caresses du vent les arbres du parc couverts de feuillage. Le spectacle était ravissant. « Allons entendre l'écho, dirent les invités. « Je vous précède, dit Nartem, qui prit les devants. Il est au fond du parc. » Les invités suivirent, un peu incrédules. Arrivés au bord du ravin, Nartem s'arrêta. Les invités formèrent le cercle autour de lui. « Écho, es-tu là ? » dit le châtelain d'une voix vibrante. Et l'écho répondit. « Oui, monsieur, j'y suis depuis 2 heures. » C'était l'écho par Eugène Fourier.